إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on est aujourd'hui dans le cours 11 dans l'explication des méfaits de la démocratie et donc c'est le livre الأدلة الشرعية لكشف التلبيسات الحزبية على المجتمعات الإسلامية du Cheikh Hassan ibn Qasim Al-Raini. Donc dans le chapitre qu'on a, là on est dans le premier chapitre, mais le point qu'on va expliquer aujourd'hui c'est le point numéro 24. Et le titre de ce point-là c'est « خروج النساء من بيوتهن لغرض تسجيل أسمائهن في مراكز الانتخابات » C'est-à-dire le fait que les femmes sortent de leur maison dans le but d'aller enregistrer leur nom dans les centres d'élection, des centres pour les votes. Et le cheikh il explique qu'est-ce qui a rapport à ce sujet-là, parmi les preuves de la charia qui montrent que ça c'est des choses qui sont parmi les choses interdites. Et voici les explications à ce sujet-là. Bon, ça va paraître un petit peu sévère pour certaines personnes qui n'ont pas de connaissance de la charia par exemple, mais quelqu'un qui est familier avec les principes et les règles du Coran et de la Sunna, eh ben pour lui c'est bien entendu, il est habitué d'entendre ça, puis il le comprend très bien, tout ce qui a rapport avec le fait que la femme sorte et les conditions et qu'est-ce qui a rapport avec la mixité, qu'est-ce qui a rapport avec toutes ces choses-là, ça c'est clair. Toutefois, pour certaines personnes qui ont grandi dans une famille qui s'est permis toujours de vivre comme les Occidentaux, puis de faire la même chose qu'eux, puis qu'il n'y a pas de limite pour eux, tout est permis, un homme et une femme peuvent se parler, être amis ensemble et des trucs comme ça, et ils se fréquentent et ils se parlent ensemble comme si rien n'était. Ça, c'est des choses qui se font dans la société non musulmane, mais là, on est en train d'expliquer les règles de l'islam par rapport à qu'est-ce qui doit être respecté par les preuves des textes de la religion. Donc on va retourner à l'explication du cheikh à ce sujet-là. Le cheikh dit « قال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى » Ça c'est le verset 33 de sourate Al-Ahzab. Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Et restez dans vos demeures et ne vous exhibez pas à la façon des femmes, à la façon dont s'exhibaient les femmes de la jahiliya, les femmes de la période pré-islamique, avant l'islam, comment elles s'exhibaient, comment elles montraient leurs atouts, comment elles sortaient fréquemment de la maison, etc. Et le cheikh, il mentionne ce verset-là, c'est le verset 33 dans Surat al-Ahzab, et il explique la signification de ce verset-là, ou une des significations de ce verset-là, en citant la parole de l'imam Ibn Kathir. Il dit « قال الحافظ Ibn Kathir » الزمنا بيوتكن فلا تخرجنا لغير حاجة. Ça veut dire, Ibn Kathir il dit, restez dans vos maisons et ne sortez pas sans raison, sans nécessité. Hein? Donc ça veut dire que la femme musulmane, son quartier général, sa base, l'endroit où elle reste, c'est la maison. Ok, c'est là sa place principale, primordiale, c'est là qu'elle reste. quand elle sort, c'est seulement pour une nécessité ou pour un besoin qu'elle a d'aller faire quelque chose, elle revient tout de suite. C'est pas comme aujourd'hui, où les gens vivent dehors, ils rentrent chez eux juste pour dormir, ou pour manger, puis dormir, puis après c'est fini. Hein, les gens passent presque toute leur journée dehors. Hein, bon, pour un homme c'est normal, mais pour une femme dans l'islam c'est pas normal qu'elle vive de cette façon-là. Hein, non. Jahiliya. Non. Ok. Donc, on va avoir des exemples de ça, Inch'Allah. Mais bon, pour te donner des exemples, comment les ulama de tafsir, comme Ibn Kathir, Al-Qurtubi et d'autres savants, ont expliqué ce verset-là en expliquant que les femmes de la Jahiliya, par exemple, quand elles marchaient dans la rue, elles ne couvraient pas tout leur corps. Par exemple, elles vont montrer une partie de sa poitrine. Elles vont montrer, par exemple, des vêtements qui vont laisser paraître certaines choses de leur forme, de leur corps. Et ça, c'est des formes du corps de la femme qui attirent l'homme, ok? Donc, par exemple, la forme de ses fesses, la forme de ses jambes, la forme de, yani, je sais pas moi, sa poitrine, des trucs comme ça. Ça, c'est des trucs que, en général, c'est ça que la femme essaie de montrer pour attirer l'attention des hommes. Et les femmes de la Jahiliya, c'est ce qu'elles faisaient. Tout ce qu'elles avaient comme atout, comme forme de son corps qui attire les hommes, elles le mettent en valeur, elles l'exposent de plus en plus. Donc, ça c'était un exemple. Elle a une façon en plus de marcher, qui met encore plus en valeur ces choses-là. C'est-à-dire, elle va marcher d'une façon pour essayer de se faire remarquer, sa façon comment elle bouge en marchant. C'est par exemple, elle portait des bijoux aux chevilles, une chaîne avec des cloches dessus, ou des petits trucs qui font du bruit. Donc, à chaque fois qu'elle faisait un pas, les hommes pouvaient savoir qu'il y a une femme et qu'elle a des bijoux, et que dans ses pieds, elle a quelque chose. Aujourd'hui, il y a les talons, il y a des femmes qui portent des souliers avec les talons, et l'effet que les talons vont avoir sur la femme quand elle va sortir dehors, c'est que ça va faire en sorte que, bien entendu, ses fesses sortent encore plus, et ça fait remonter son buste, sa poitrine, donc ça fait en sorte que ça fait ressortir encore plus les formes de son corps, puis en même temps, ça lui donne une allure, en tout cas, un peu plus, qui attire plus les désirs des hommes, quand elle marche avec ses vêtements-là, ses souliers-là, et en plus ça fait du bruit quand elle marche, donc à chaque pas, c'est comme si tout le monde sait qu'il y a une femme qui passe, donc ça amène la femme à attirer l'attention des hommes. Non seulement ça, il y a aussi les maquillages que la femme va mettre quand elle va sortir dehors, qui fait en sorte que ça l'embellit. Il y a aussi le parfum que la femme met sur elle quand elle sort pour que les hommes sentent sa bonne odeur, pour qu'ils soient attirés encore plus par elle, la façon dont elle va mettre ses cheveux, sa voix, la façon comment elle va s'adresser aux hommes, elle va adoucir sa voix, elle va utiliser un ton de voix qui peut par exemple laisser croire que elle s'intéresse à quelqu'un, tu vois, ou bien qu'elle adoucit sa voix, ça fait en sorte que les hommes ont un espoir en elle d'avoir quelque chose d'elle en retour, quelque chose comme ça, de pouvoir arriver à l'approcher, des trucs de ce genre. Donc, tout ça, c'est des exemples que les savants de Tafsir ont expliqué quand ils ont parlé de ces versets-là, et c'est des choses qui existaient dans la Jahiliya. Avant l'islam, les femmes faisaient ça. Et l'islam est venu changer tout ça et interdire tout ça. En plus, une autre des choses, c'est que les femmes sortaient tout le temps. Elles sortaient dehors pour rien, juste pour aller dehors, non. C'est Mukhtar. Non, c'est Mukhtar. Non. Alaykoum salam wa rahmatullah. Ça va, Mukhtar? Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Donc on était en train d'expliquer les parce que on a commencé un point, c'est le point du fait que les femmes qui sortent de leur maison pour aller s'enregistrer dans les centres électoraux. Naab. Donc, comme je disais, c'est ça, c'est que les femmes de la Jahiliya, elles faisaient ça. Et l'islam est venu interdire ça, et changer tout ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, c'est que c'est revenu maintenant dans beaucoup de pays musulmans, des traditions, des pratiques, des façons d'agir qui viennent de la Jahiliya, et c'est parfois des choses qui sont inspirées par les péchés qui se produisent dans la société musulmane, et des fois aussi il y a le fait de l'influence occidentale, de la mentalité, du mode de vie et des modes occidentales qui sont, maintenant implantés dans les pays musulmans, qui amènent les femmes à de plus en plus essayer de faire la fitna quand elles sont dans la rue. Bien sûr, si elle veut sortir dans sa cour puis qu'il n'y a pas d'homme à l'extérieur qui va la voir, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est si elle va être dans un endroit où elle va être à la vue des hommes qui sont étrangers à sa famille, qui peuvent la marier, et qu'elle ne va pas couvrir ses atouts. Ça, c'est haram. Et comme j'expliquais des fois, la prostitution, ça existait depuis des siècles et ça existe encore aujourd'hui, mais avant on remarquait par exemple que il y avait dans certains coins, c'était connu comme étant des endroits où se réunissent les prostituées pour attirer des clients, et les hommes qui allaient dans ces endroits-là, ils savaient qu'il va y avoir des femmes qui sont là-bas, qui sont des prostituées. Les prostituées, qu'est-ce qu'elles font? Elles font en sorte que les formes de leur corps soient exhibées pour que les hommes soient intéressés à elles et pour qu'elles aient plus de clients ou faire plus d'argent. Donc elles vont porter des vêtements très moulants, qui mettent leur forme très en évidence, puis qui aiguichent puis qui attirent le désir des hommes, qui vont vouloir peut-être, disons, aller vers elle. Et on remarque aujourd'hui que la mode générale dans la société, que ce soit qu'est-ce qui est véhiculé ou propagé par la musique, les vidéos, la danse et les vedettes, les films et les magazines et tout ça, c'est maintenant devenu comme si on essaie de faire en sorte que le mode vestimentaire des femmes qui était le mode vestimentaire des prostituées avant, maintenant est devenu le mode vestimentaire, wa alaykoum salam, c'est devenu le mode vestimentaire des femmes en général. Des jeunes filles, déjà ça commence très très jeune, même au primaire parfois, puis au secondaire, puis au cégep, à l'université, bon, on n'en parle pas, mais c'est juste pour vous dire que c'est le mode de vestimentaire des prostituées est devenu la mode des jeunes et des femmes en général dans la société maintenant. La femme, elle a même plus de gêne, de montrer son corps, hein. Et elle a même plus de timidité non plus. Mais en plus, c'est paradoxal parce que tu vois que, par exemple, j'ai remarqué depuis quelque temps, ça c'est comme une nouvelle mode, on dirait, les femmes, elles portent un foulard, mais pas pour mettre sur la... Ça, les musulmanes, là, les femmes non musulmanes, elles sortent, elles mettent une sorte de... Comment on appelle? Un châle ou une écharpe, hein, et elles la mettent sur leurs épaules pour couvrir leur poitrine, hein. Puis quand elle arrive au travail, elle l'enlève. Oui, pourquoi? Parce que elle sait que les vêtements qui sont tellement moulants, qui montrent tellement les formes de leur corps, que c'est sûr que c'est comme si ça agresse les gens. Hein? Dans le but, c'est partout, ouais, tout le monde va la fixer du regard. Mais là, quand elle arrive au travail, c'est pas grave, elle l'enlève. Hein? Donc c'est pour dire que il y a quand même un petit peu de gêne, il y a quand même un petit peu de pudeur, mais est-ce que c'est vraiment de la pudeur, ou bien c'est pas justement juste pour encore plus taquiner les gens là, puis les tenter encore plus. Parce qu'ils montrent une partie. Il y en a qui disaient ça des fois, les couffards, ils disaient « Ah, mais quand la femme est toute couverte, c'est encore pire, parce que ça donne encore plus le désir de voir. » Et ça, c'est vrai juste dans une situation. C'est vrai dans la situation où une femme, elle montre une partie, puis elle cache une partie. Hein? C'est-à-dire que la femme, elle montre certaines choses, puis elle en cache d'autres. Ou bien elle porte des vêtements transparents ou moulants. Elle cache une partie, mais elle montre une partie. Donc, ça te donne, le petit que tu vois, le petit peu que tu vois, ça te donne envie de voir le reste. Toutefois, si la femme est complètement voilée, couverte, hein, comme une sœur par exemple qui porte djilbab très ample et avec un sitar, elle se cache le visage, puis elle met les gants, puis elle a sa robe qui traîne jusque par terre, eh ben là, ça y est, ça coupe tout. Ça coupe tout, là. Exactement, tu vois rien. Hein? Et puis, donc, c'est pour dire que quand tu caches une partie puis tu montres une partie, ça fait plus de fitna que quand tu montres tout sans cacher rien du tout. Mais si tu caches tout, hein, ça coupe tout complètement. Peut-être que ça fait peur à ceux qui ne sont pas habitués, mais bon, une fois que tu comprends puis que tu es habitué, ça y est. Alhamdulillah. Donc, tout ça, c'est des exemples, des choses qui montrent que, bon, aujourd'hui, des fois, j'avais écrit dans des livres ou dans des textes, puis j'avais expliqué dans des choses, j'avais dit, les femmes aussi, elles s'habillent comme des prostituées. Les gens, ils ont compris que je traitais les femmes de prostituées. Et en réalité, c'est pas ça, c'est que je dis, la façon dont les femmes s'habillent aujourd'hui, leur mode vestimentaire, c'est le même mode vestimentaire qui était porté par les prostituées avant. Aujourd'hui, ces femmes-là qui portent ces tenues vestimentaires-là sont pas des prostituées, hein, mais elles s'habillent comme elles. Et puis, tu te demandes, mais c'est quoi le but? À quoi ça sert de montrer son corps comme ça? Ça sert à quoi? La prostituée, tu peux comprendre, c'est logique. Elle veut des clients, elle veut attirer des hommes. Pour faire de l'argent, pour avoir de l'argent dans le haram. Ça, c'est, il y a une logique derrière. Mais la femme qui est mariée, qui a son mari, ou qui, je sais pas moi, elle sort pour aller travailler, elle sort pour aller, je sais pas moi. C'est quoi le but de faire ça? Soi-disant, même les filles koufars qui se marient pas, elles font une zina avec un homme. Elle prend un copain là en cachette, ou même elle se cache pas. c'est accepté dans la société. Si t'as ton copain, soi-disant tu dis que tu l'aimes, puis il t'aime, puis que vous allez soi-disant vivre ensemble, je sais pas combien de temps vous êtes contents ensemble. Mais maintenant ça y est, pourquoi tu vas continuer à sortir dehors comme si t'es en train de te faire comme un appât là? Et puis pour dire que tu veux pas que des hommes t'approchent par la suite pour venir te faire des avances ou de te parler. Et tu vois ces filles-là qui s'habillent comme ça, quand un homme vient s'adresser à elles, j'ai déjà un chum ou j'ai déjà un copain, je m'excuse, je suis déjà prise. c'est comme si tu mets une part, tu t'habilles d'une façon qui, c'est comme si tu avais mis une affiche sur toi qui disait venez, je suis disponible. Et puis la façon comment tu agis par la suite, c'est comme non, je suis déjà prise, arrête de venir me parler. Mais si tu t'habilles comme ça, c'est comme si tu dis aux hommes venez me parler. Et puis déjà dans la société ici, tout est à l'envers. Hein? C'est vrai que les femmes se promènent et les hommes se promènent avec un petit drapeau là ou quelque chose pour dire quand ils sont célibataires, ils mettent ça, comme ça les gens vont savoir, ils vont même pas venir leur parler, hein, comme ça. Mais bon, ça c'est un petit peu exagéré, mais c'est juste pour vous dire que la société actuellement, comment ça fonctionne, ça tient pas debout là, et qu'ils s'en vont ces gens-là loin dans l'égarement, mais ils veulent que les musulmans les suivent dans cette voie-là. Donc c'est ça, le cheikh il parle du fait que les femmes sortent et qu'elles doivent pas sortir pour n'importe quelle raison. Le cheikh dit « قلت إن الخروج من البيوت بالنسبة للنساء مشروط بعدة شروط » Il dit que la femme, quand elle sort de sa maison, sa sortie est reliée à certaines conditions. Elle ne peut pas sortir n'importe quand, n'importe comment, n'importe où, aller n'importe où, puis il y a des conditions dans l'islam pour que la femme puisse sortir. Et ça, la plupart des musulmans aujourd'hui, ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas. On leur a jamais appris. Et c'est surtout pas les musulmans en Occident qui vont leur dire. Parce que déjà, ils ont peur de parler de ces choses-là. Même de parler, par exemple, du hijab maintenant. Les imams de Montréal, les imams de d'autres villes, ils voient les femmes dans la, musulmanes dans la rue qui marchent avec les jeans, puis avec le petit foulard à la mode, là. Et puis, on dirait qu'ils disent rien là-dessus. Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui parlent, mais c'est tout, là. Puis, ils insistent pas là-dessus pour. Mais si tous les gens se mettaient ensemble pour vraiment faire le travail pour corriger la situation, peut-être qu'on verrait une influence, un impact. Mais là, il y en a pas. Donc ça, c'est pour dire qu'en Occident, les gens se taisent, ils ne veulent pas dire des choses, soi-disant parce qu'ils ont peur des médias, ou ils ont peur de je ne sais pas quoi encore. Donc, il y a des conditions pour que la femme puisse sortir de sa maison, voici les conditions avec les preuves, d'accord? Le cheikh dit, « Minha, an yakuna bi'ibn al-wali, sawa'an akana zawjan, am sayyidan, alayha mimman lahu wilayah, فالمرأة لا يجوز لها الخروج من بيتها إلى المسجد إلا بإذن زوجها كما أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها لفظ مسلم لشيخ البنكم بخمية كونديسيون كلا فام Pour qu'elle sorte dans l'islam, il faut qu'elle ait la permission de son wali. C'est-à-dire soit que c'est son mari ou son maître, si, ou quelqu'un qui est chef, qui est son responsable comme son père ou quelque chose, de, quelqu'un qui est son tuteur. C'est ça que ça veut dire. Elle n'a pas le droit de sortir de sa maison, excepté sans la permission de son mari. Et la meilleure raison pour laquelle elle peut sortir, c'est pour aller à la mosquée. C'est le meilleur endroit. Et même pour la mosquée, il faut qu'elle ait la permission pour y aller. Il faut qu'elle ait la permission de son mari pour y aller. Donc imaginez, subhanallah. Quand on dit qu'elle a besoin de la permission de son mari pour aller à la mosquée, ça veut dire qu'elle a besoin de la permission de son mari pour aller n'importe quel autre endroit où elle doit aller. Si par exemple elle veut aller à l'école, elle a besoin de la permission de son mari. Si elle veut aller au travail, elle a besoin de la permission de son mari ou de son père. Elle peut pas y aller si le mari, si son mari ou son père ou son tuteur lui dit tu sors pas, elle n'a pas le droit de sortir. Ça c'est la condition que beaucoup de gens aujourd'hui ils comprennent pas ou ils connaissent pas ou bien qu'ils respectent pas. La femme ici, la femme musulmane et la, dans la société occidentale souvent, elle pense qu'elle est égale à l'homme et qu'elle a le même droit que l'homme et que si elle veut sortir, elle sort quand elle veut, peu importe qu'est-ce que son père ou son tuteur peut décider. Ça, c'est la mentalité des femmes musulmanes, de certaines femmes musulmanes en Occident qui se limitent pas aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, surtout les féministes, soi-disant féministes là, islamistes, qui veulent suivre leur passion et qui pensent qu'elles sont égales à l'homme dans l'islam, elles considèrent même pas cette condition-là. Et le chef, il mentionne comme preuve de ça, le hadith qui est apporté par Al-Bukhari et Muslim, c'est le hadith d'Ibn Omar, qui dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, si la femme d'un de vous demande la permission à son mari pour aller à la mosquée, qu'il ne l'empêche pas. Donc ça veut dire qu'elle doit demander la permission pour aller à la mosquée. Et, comme on sait, la mosquée, c'est le meilleur endroit. Et malgré que la prière de la femme, comme on le voit tout à l'heure, la prière de la femme qu'elle fait dans sa maison, elle est meilleure que la prière qu'elle fait à la mosquée, malgré tout, si elle devait aller à la mosquée, et qu'il y a des conditions qui sont respectées, ben là, dans ce cas-là, tu l'empêches pas. Mais pour d'autres, qu'est-ce que tu dirais dans ce cas-là, pour d'autres endroits qui sont des endroits où les gens font toutes sortes de péchés, ou toutes sortes de choses haram. C'est encore pire. Le chef, il dit, Et ça c'est la, la narration de Muslim. Après le Cheikh dit وكذلك من الشروط أن لا تكون متطيبة ولا متبرجة فقد أخرج أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله مساجد الله ولكن ليخرجنا وهن تفلات اللفظ لأبي داود. وقال الخطابي التفل والتفل سوء الرائحة سوء الرائحة يقال امرأة تفلة إذا لم تطيب إذا لم تتطيب ونساء تفلات. Donc, ok. وأخرج مسلم وأخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. وأخرج ابن ماجة في سننه من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل. Donc le cheikh il mentionne des exemples de preuve que la femme, parmi les conditions que la femme doit respecter si elle veut sortir, elle ne doit pas se parfumer et elle ne doit pas exhiber ses atours et montrer les parties de son corps qui attirent les hommes. Elle doit se couvrir complètement. Et ça c'est rapporté par Ahmad et Abu Daoud dans un hadith qui est authentique, rapporté par Ahmad et Abu Daoud. Il a été authentifié par l'imam Al-Albani dans Sahih Abi Daoud. Donc ce hadith là qu'est-ce qu'il dit? Il dit n'empêchez pas aux serviteurs, aux femmes, aux esclaves d'Allah, aux femmes, aux féminins, d'aller à la mosquée. Et si, mais si elles sortent, qu'elles sortent sans se mettre de parfum, c'est-à-dire sans qu'elles n'ont pas de parfum sur elles. Et ça c'est la narration de Abu Daoud. Et l'imam Al-Khattabi, il explique que le mot qui est utilisé, tafoulat, ça veut dire qu'elle n'a pas une bonne odeur, c'est pas parfumé. Et c'est ça qui est ordonné, parce qu'il y a des femmes qui disent non, ben si je sors, il ne faut pas que je sente mauvais, il faut que je sente bon, au moins je vais mettre quand même un petit peu, parce que des fois c'est pas vraiment un parfum que la femme met sur elle pour nettoyer, pour sentir bon, mais c'est comme si par exemple elle utilise un savon pour se laver et ce savon là il reste sur la peau, ça émet une odeur. Et des fois c'est le savon avec lequel elle lave ses vêtements qui est parfumé, qui sent bon aussi. Oui, il y a toutes sortes de trucs comme ça, donc ça fait que, je le sais parce que c'est arrivé même des fois dans ma famille, je remarquais par exemple que quelqu'un de ma famille qui sortait comme ça, proche, quelqu'un de proche de moi qui sort, et là je dis, ça sent, on dirait que ça sent le parfum là. Et là, non, c'est pas du parfum, c'est tel savon ou tel truc. Qui sent cette odeur-là. Il dit, ah, mais ça, c'est comme si c'était du parfum, là, dans ce cas-là. Hein? Donc, ça fait que. Des fois, c'est pas un parfum, des fois, c'est pas un savon, des fois, c'est juste une crème à main. Hein? Des fois, il y a une crème à main pour la peau sèche ou des trucs comme ça, et cette crème-là, elle a une odeur de parfum. Donc, ça arrive à la même chose. Et même, il y a des marques de parfum qui font des crèmes à main. Parfumé avec l'odeur de ce parfum-là. Donc la femme dit non, je ne mets pas de parfum, maintenant c'est une crème à main mais qui est parfumée. Donc c'est des exemples. Après le cheikh il mentionne le hadith de l'imam Muslim qui est rapporté par Abi Huraira. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit toute femme qui a touché à du parfum ou al-bukhur c'est quoi? C'est des trucs que tu brûles qui sentent bon. Et que ça, les femmes musulmanes dans les pays musulmans, elles s'imprègnent de cette fumée-là qui sent bon dans leurs vêtements sur elles-mêmes. Même, je me rappelle, qu'est-ce qu'ils faisaient les arabes, les femmes arabes, qu'est-ce qu'elles faisaient quand elles attendaient leur mari pour se préparer quand il arrivait? Elles prenaient le truc, comme on appelle, le truc qu'on utilise pour mettre le bukhur dedans pour brûler, elles se mettaient par-dessus, puis elles mettent leur robe en bas, par-dessus le truc, puis là toute la fumée du bukhur, il rentre dans sa robe, puis dans sa peau, puis tout ça, et là après elle sent bon comme ça. Et donc c'est pour dire que les femmes elles faisaient ça. Puis après le Cheikh dit wa akhraj ibn Majah fi sunanihi min hadith Abi Musa رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوي donc le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit, ça c'est un hadith rapporté par Ibn Majah, c'est rapporté selon Abi Musa al-Ash'ari, il a dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit toute femme qui s'est parfumée et qui sort pour aller à la mosquée, alors sa prière ne sera pas acceptée jusqu'à ce qu'elle se lave pour enlever cette odeur là sur elle. C'est sévère, hein. Donc ça c'est sérieux, il faut pas prendre ça à la légère. Et le cheikh il dit قلت هذا وعيد شديد والحالة أنها خرجت إلى المسجد ولكنها متطيبة فكيف بخروجها إلى المراكز الانتخابات التي قد يحصل فيها كذلك الاختلاط. Le cheikh il dit ça c'est une menace sévère. Et on voit que ça c'est la situation pour une femme qui sort pour aller à la mosquée alors qu'elle est parfumée, sa prière n'est pas acceptée si elle se lave pas. Donc imaginez le cas de la femme qui sort pour aller dans les bureaux de pour s'enregistrer dans les centres d'élection là, pour enregistrer leur nom et tout. Ça c'est encore pire parce qu'en plus il peut y avoir du mélange entre les hommes et les femmes dans ces endroits là. Et le hadith de Ibn Majah qu'on a mentionné là, de Abu Musa al-Ash'ari, il est déclaré hasan par Al-Albani dans Sahih al-Nasa'i et dans Sahih al-Jami'. Donc c'est un hadith qui est hasan, qui est donc il est utilisable comme référence et comme preuve dans la sharia. Le Cheikh dit bal al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a qal ayyuma imra'atin ista'tarat fa marrat bi qawmin ليجدوا ريحها فهي زانية أخرجه أحمد النسائي واللفظ لأحمد. C'est grave. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit toute femme qui sort parfumée et qui passe près des hommes et qu'ils sentent son odeur, alors c'est comme si elle était une zania, c'est comme si elle était une femme qui fait l'adultère. Ok, hein? Donc c'est grave, la menace est grave à ce sujet là. Tout à l'heure le hadith de Abu Musa al-Ash'ari, c'est dans le chapitre de Fitnatun Nisa dans Sunan Ibn Majah, il est authentifié par Cheikh Al-Albani, il est sahih. Toutefois le hadith qui est hasan c'est celui-là, celui que la femme qui sort, qui passe près des hommes et qu'ils vont sentir son odeur, donc elle est zania, c'est comme si elle fait le zina, c'est une femme qui est zania. Donc ça c'est des menaces sévères à ce sujet-là. Après le Cheikh dit bal qad akhbara ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam anna al-mar'a salataha fi baytiha khayrun min al-masjid walamma lima qad yahsul bil khuruj min zinatin wa tabarruj wa qad akhraj al-Bukhari wa Muslim min hadith Ibn Umar رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim également. C'est un hadith qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le cheikh dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que la prière de la femme dans sa maison elle est meilleure pour elle que la prière qu'elle fait à la mosquée, elle a plus de valeur. Donc ça c'est parce que lorsque la femme sort, ça fait en sorte que elle va exhiber ses atouts ou montrer sa beauté et des trucs de ce genre, et ça peut causer la fitna. Et donc l'imam al-Bukhari, ils ont rapporté ce hadith-là qui est rapporté selon Ibn Omar radiallahu anhuma, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il dit n'empêchez pas les femmes d'aller à la mosquée. Et le terme qui est utilisé c'est ima Allah, c'est les esclaves d'Allah, c'est les femmes serviteurs qui servent Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a un autre hadith qui est mentionné à propos de ça, c'est le hadith d'Ibn Omar qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim aussi. Justement, j'étais en train de le lire dans Al-Lu'lu' wal-Marjan, et c'est Ibn Omar qui dit que Omar ibn al-Khattab, son père, avait une épouse, et que cette femme, elle sortait pour aller faire l'Isha et le Fajr à la mosquée, l'Isha et le Subh à la mosquée. Alors, il y a quelqu'un qui a dit à cette femme, tu devrais pas sortir comme ça, alors que tu sais que Omar ibn al-Khattab est un homme jaloux. Et il n'aime pas que tu sors beaucoup comme ça. Et la femme, son épouse, de Omar ibn al-Khattab, elle a répondu à cette personne-là en disant, qu'est-ce qui l'empêche de me l'interdire? Qu'est-ce qui l'empêche à Omar de me l'interdire? Si lui, il voulait m'interdire, il me l'aurait interdit. Pourquoi tu me dis ça? Et la personne a répondu à cette femme en disant, qu'est-ce qui l'empêche de t'interdire? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, n'interdisez pas à vos femmes d'aller à la mosquée pour faire la prière. Malgré tout, il n'aimait pas ça. Il la laissait faire parce que le prophète a dit de la laisser aller à la mosquée, avec les conditions bien sûr. Mais il n'aimait pas ça, malgré tout, il est jaloux, il n'aime pas que sa femme sorte, même pour aller à la mosquée. Donc le cheikh il dit, أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة بلفظ لا تمنع نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. C'est un hadith qui est rapporté par Abu Daoud et il est authentifié également par Al-Albani dans Sahih Abi Daoud. Et donc ça veut dire, n'empêchez pas vos femmes d'aller à la mosquée, mais leurs maisons sont meilleures pour elles. Ok, donc ça c'est pour montrer que la maison est meilleure pour elle, mais si elle devait y aller de temps en temps, elle peut y aller tout en respectant les conditions. Et le cheikh il mentionne maintenant les paroles de l'imam al-Nawawi, qui est un des grands savants d'Islam, qui a fait l'explication de Sahih Muslim. Et dans l'explication, il a parlé de ce hadith-là. Il dit, قال النووي قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله هذا وشبهه من أحاديث الباب ظاهر في أنها لا تمنع المسجد ولكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث وهو أن لا تكون متطيبة ولا متزينة ولا ذات خلاخل يسمع صوتها ولا ثياب فاخرة ولا مختلطة بالرجال ولا شابة ونحوها ممن يفتتن بها وأن لا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة ونحوها وهذا النهي عن منعهن من الخروج محمول على كراهة التنزيه إذا كانت المرأة ذات زوج أو سيد ووجدت الشروط المذكورة فإن لم يكن لها زوج ولا سيد حرم المنع إذا وجدت الشروط. Le cheikh il dit que l'imam al-Nawawi il dit, n'empêchez pas aux femmes qui servent Allah subhanahu wa ta'ala d'aller à la mosquée d'Allah ou aux maisons d'Allah. Et ça c'est ce hadith et tous les hadiths qui sont dans ce chapitre, qui sont semblables à ce hadith-là, sont très clairs dans leur signification qu'on ne peut pas les empêcher d'aller à la mosquée. Toutefois, mais les savants ont rapporté et ont mentionné des conditions à ça qu'ils ont extrait des hadiths. Parmi les conditions, c'est qu'elle ne doit pas être parfumée et elle ne doit pas être enjolivée ou décorée ou embellie. Et elle ne doit pas non plus porter des khalakhil qu'on entend, qui fait un bruit. Et on a expliqué tout à l'heure, les khalakhil c'est quoi? C'est les chaînes que les femmes portent dans leurs chevilles quand elles marchent, elles frappent leurs pieds pour que les hommes puissent entendre qu'est-ce qu'elles portent en dessous de leur robe. Voilà, thiyabun fakhira. Non plus, elles ne doivent pas porter des vêtements sophistiqués, puis des vêtements, comment je pourrais dire, luxueux, qui montrent qu'elles sont des femmes très très bien habillées à la mode et tout. Parce qu'il y a des femmes comme ça, parmi les femmes musulmanes des fois, elles portent un foulard, puis après elles portent des vêtements extravagants, puis de luxe, elles pensent que ça c'est classe, tu vois, et ça montre la classe. Et elles pensent que c'est permis de montrer ces vêtements-là dehors, alors qu'il faut qu'il y ait par-dessus ces vêtements-là un djilbab qui cache ces vêtements-là. Et les femmes, aujourd'hui, c'est ça, souvent, comme je l'explique souvent, elles comprennent pas que les vêtements que tu portes chez toi, devant ta famille, tu n'as pas le droit de les porter quand tu sors dehors. Même si tu portes un foulard sur tes cheveux ou sur ta tête. Il faut que par-dessus ce foulard-là, et par-dessus ces vêtements que tu mets chez toi, tu mettes un jilbab et tu couvres tous tes vêtements quand tu sors dehors. Faut pas que les gens puissent voir les vêtements que tu portes à l'intérieur de chez toi, hein, devant ta famille, devant tes proches. Exactement, exactement. Exactement, exactement. Et ça, c'est, on dirait que ça fait partie de l'inconscience, de certaines femmes. Tu vas voir des femmes qui portent jilbab avec sitar, niqab, tous les gants et tout, et son mari qui est avec la barbe et tout, et il laisse sa fille porter sa petite fille, elle n'est pas pubère, même si elle n'est pas pubère, hein, elle a peut-être par exemple 10 ans, 11 ans, 13 ans, des fois 14 ans, il la laisse s'habiller avec les vêtements que les filles il y a des portes qui sont vraiment moulants puis qui montrent les formes du corps. Et étant eux dans leur tête, ils se disent, étant donné que c'est un enfant, c'est pas grave. Mais c'est pas parce que la fille est une enfant que tu as le droit de l'habiller n'importe comment. Et c'est pour ça que même si elle est un enfant, tu dois l'habituer à porter des vêtements qui couvrent bien son corps et qui l'habituent justement à se couvrir, non pas nécessairement qu'elle porte jilbab complet de la tête aux pieds alors qu'elle n'est pas encore pubère, mais il y a des filles qui ont déjà leur puberté, qui ont déjà les signes même qu'elles ont atteint la puberté, elles ont commencé à avoir des seins, elles ont commencé à avoir leurs règles, elles ont déjà commencé à avoir des formes, leurs hanches commencent à s'élargir et tout, commencent à avoir des formes, et yani, subhanallah, leurs parents, ils les prennent encore pour des petites filles, encore comme des enfants. Ah, il est jeune, c'est un bébé, hein, notre bébé. Mais là, ton bébé, là, c'est une femme maintenant. C'est plus un bébé, là. Hein? Ah oui, c'est grave. Donc, c'est pour ça. Et le pire, l'autre jour, j'étais en train d'attendre l'autobus, et je réfléchissais à ça, justement. Je me disais, regardez combien il y a de cas d'inceste dans ce pays de Kufr, ici, là. L'inceste est tellement répandu maintenant, puis les gens qui courent après les petits-enfants, là, les pédophiles, il y a tellement maintenant de pédophilie, on dirait que c'est devenu une sorte de fléau dans l'Occident maintenant, hein. Donc, c'est pour dire, parce que les filles s'habillent tellement d'une façon sexuelle depuis qu'elles sont, parce que quand les gens appellent les vêtements sexy, là, en réalité, c'est les vêtements sexuels. Parce que la seule chose que tu penses, quand tu le vois, tu penses à la sexualité tout de suite. Parce que tu peux pas penser à d'autres choses quand tu la vois. Puisque tout ce qu'elle montre de son corps, c'est tout ce qui a fait à faire et qui te rappelle, à la sexualité. Hein? Alors que c'est pas ça que quand tu sors dehors, tu sors pas dehors pour voir ces choses-là. Tu t'en vas dehors pour acheter quelque chose ou pour aller travailler ou pour aller faire qu'est-ce que tu as à faire. Ton but, c'est pas d'aller pour voir des femmes nues ou des femmes en moitié dans la rue. Mais malheureusement, c'est ça ce que tu vois. Et le père, il a sa fille, là, parmi les koufars, il laisse sa fille marcher devant lui en mini-jupe ou je sais pas quoi, hein. Et puis la mère est là, puis sa fille et son père devant sa mère et son père et sa fille comme ça, là. Hein? Et puis après, il commence à faire l'inceste avec sa fille. Hein? Donc, c'est pour te dire comment ces gens-là, ils n'ont pas de raison, hein? Ils n'utilisent pas leur tête. Hein? Il y a un haïtien à Montréal, il s'est fait mettre en prison parce qu'il a fait l'inceste avec sa fille. Hein? Il a dit, ah, c'est pas moi, je vais pas laisser les autres dans la rue, là, qui vont te prendre, c'est moi qui va, hein. Tu vois, dis, ben ouais, à Montréal, c'est connu des affaires de même. Et les Québécois, c'est connu, les sachets, chez les Québécois, c'est répandu, hein. Donc c'est pour ça. Et maintenant, c'est sûr que des choses comme ça, ça c'est des graves, graves, graves, graves péchés, des corruptions, des turpitudes, mais c'est répandu parce que il y a trop de laxisme, de perversité dans la façon dont les gens permettent à leurs enfants de s'habiller. D'accord? Donc déjà, il y a la fitra en l'homme qui l'empêche de penser à ces choses-là. Déjà, dans le cœur de l'homme, Allah il a placé ça, qu'il n'est pas attiré envers les gens de sa famille, les femmes de sa famille. Mais il y en a que leur fitra est tellement corrompue, ils se sont tellement pervertis, qu'ils ont même perdu cette fitra. Et ils voient d'une façon bestiale tout ce qui est autour de lui, et ils ne pensent pas justement à la limite qu'il doit respecter. Hein, par rapport à ces choses-là, qui sont instinctifs à l'intérieur de l'être humain, non seulement commandés par le respect de la religion, par la foi, mais en plus, qui sont ordonnés par la nature même de qu'est-ce que Allah a mis en l'homme et dans son âme. Mais bon, c'est pour dire, tout ça c'est pour expliquer que c'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Donc, il donnait l'exemple du cheikh des Khalafil, et des vêtements qui sont luxueux et tout. Aussi, elle ne doit pas se mélanger avec les hommes. Et on ne doit pas, aujourd'hui ça c'est quelque chose aussi qui est un gros problème, même dans les mosquées, il y a certaines mosquées, il y a une porte, une seule porte, pour les hommes et pour les femmes. Et quand la femme veut sortir, elle est obligée de passer là où il y a les hommes. Ça c'est des exemples de mixité, même dans la mosquée, ils font la mixité maintenant. Hein, et dans les activités islamiques, dans les soi-disant activités islamiques. Et il y en a qui essaient de justifier ça par rapport à le fait que on se mélange dans l'autobus, on se mélange à l'école, donc si on se mélange partout, pourquoi pas se mélanger dans les activités islamiques, hein, ils se basent sur le haram pour justifier un autre haram, et ça c'est interdit. Donc ça c'est des conditions. Après il mentionne aussi, il ne faut pas que, voilà shabba, voilà huya, shabba c'est quoi la shabba? C'est la jeune fille. La fille dans l'âge de comment on dit, l'adolescence. La jeune fille là qui commence à avoir sa puberté, qui commence à devenir une femme, c'est à cet âge-là que, disons, les hommes sont le plus attirés par les femmes, quand elles atteignent cet âge-là. Hein, parce que, bien entendu, elles sont plus fraîches, elles sont plus jeunes, elles sont plus belles. Hein, et non seulement ça, mais c'est aussi le désir de l'homme d'avoir des enfants. Hein, et d'avoir, donc tout ça c'est des choses naturelles. Donc une femme qui est plus âgée, l'homme va être moins attiré par elle qu'une femme qui est plus jeune. Et donc quand tu vois aujourd'hui la façon dont les musulmans pensent, c'est que la vieille femme de 70 ans, de 80 ans, elle tu la vois voilée, couverte de la tête aux pieds. Mais la jeune fille de 20 ans, 22 ans, elle est là, tout est exposé et tout, elle marche avec sa mère, puis sa mère on dirait qu'elle fait une parade, là, comme si elle se promène avec un trophée là, pour montrer à tout le monde dans la rue, regardez mon trésor là, que j'ai avec moi. Il y en a qui pensent que ça c'est une façon de lui trouver un prétendant, là. Puis surtout si c'est une mère qui est matérialiste, qui aime beaucoup l'argent, elle va chercher les prétendants les plus... économiquement bien situé là, donc si bon, hein, ils vont dire bon, un médecin, un ça, sinon on n'accepte pas. Et donc elle fait la parade avec sa fille dans la rue là. Et ça c'est des choses qu'on voit. Et c'est des choses qu'on a. Et puis les filles qui sortent, hein, c'est comme j'étais à l'arrêt d'autobus l'autre jour, je m'en venais ici pour donner le cours. Il y avait deux filles québécoises qui parlaient derrière moi. Et elles parlaient fort, donc j'entendais facilement ce qu'elles disaient. Elles disaient, ah oui, il y a une fille, elle nomme son nom, c'est un nom arabe, donc c'est clair que, ah oui, elle c'est un nom arabe, c'est une musulmane, ses parents, elle n'a pas le droit d'avoir un copain. Ses parents lui interdisent d'avoir un copain. Mais elle a un copain en cachette. Donc elles étaient en train de se parler entre elles de cette fille-là. Bon, peut-être. Et là, la fille, elle dit à son amie, elle dit, elle travaillait, puis elle a eu un congé pendant un mois. Elle travaillait pas pendant un mois. Mais pendant ce mois-là qu'elle était en congé, elle a pas dit à ses parents qu'elle était en congé. Et elle continuait à se lever tous les jours à 6h du matin, à prendre le train, à revenir à la même heure qu'elle revenait d'habitude. Et elle passait toute la journée avec son copain. Donc ça c'est pour dire, les parents souvent c'est ça, ils laissent leur fille sortir, ça vient n'importe comment, mélanger à l'école, se faire des amis, se faire un petit copain, un chum, et eux dans leur tête, ma fille elle est innocente, ma fille elle est pure, elle n'a pas d'arrière-pensée, elle s'intéresse pas aux garçons, elle s'intéresse juste aux études et au travail, et hein. C'est moi. Donc, ouais, c'est ça. Donc, ils se rencontrent en cachette comme ça. La fille, elle a son petit foulard, et puis elle se cache quelque part pour embrasser un garçon. Donc, c'est pour dire, subhanallah, vous laissez vos filles sortir, vous dites, ah non, elles sont des bonnes filles, ma fille, elle est honnête, elle ferait jamais ça. Hein? Et il y en a qui les laissent partir, venir, hein, de leur pays musulman, là. Ils les laissent partir toutes seules, venir ici en Amérique, ou en Europe, étudier dans les campus et les universités. Ah, billah. Les choses que tu vois dans ces choses-là, là, ça y est. Ah, mon père est pas là, ma mère est pas là, vendredi soir, samedi soir, hein, je mets mes vêtements plaqués, là, hein, et puis je m'en vais dans toutes les boîtes de nuit. Hein. Non. Quand on arrive à l'aéroport, je suis allé prendre le train, elle aussi, elle était en face de moi, ma mère était avec elle. J'ai vu sa mère, j'ai vu elle. Non, c'est vrai, des fois quand tu vois la. C'est vrai, quand la mère est déviée, quand tu vois la mère est déviée, la fille elle suit l'exemple. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y en a des gens qui viennent des petits, ouais, des gens naïfs, hein, innocents, là. Ils travaillent pour envoyer leur fille, ils ont de la, même, des fois, ils ont même pas d'argent, hein. Ils économisent de leur argent, toutes leurs économies qu'ils ont prises pour toute leur vie, ils le prennent, ils l'investissent dans leurs enfants, là, pour aller faire des études. Et donc, là, tu vois les catastrophes par la suite, qu'est-ce qui se passe. C'est ça, parce que les Ikhwan, c'est ce qu'ils font dans les universités, ils organisent des activités pour les garçons et pour les filles musulmanes, et puis après, pendant les activités, ben là, ils se matchent ensemble, hein, ils se font des matchs, hein. Puis bien entendu, eux, ils aiment ça faire leur, hein, et ils aiment ça montrer leur style, comme ils s'habillent un petit peu comme les kuffars, ils suivent un petit peu la mode des kuffars, Israël. Et ils mettent les vêtements des coupables pour dire on va attirer les filles, là, hein. Mais c'est ça, ils utilisent ça pour ça. Bien sûr, mais oui. Hein. Ouais, mais ils le savent. Les coupables, c'est des hypocrites. La plupart d'entre eux, c'est des hypocrites. Ils le savent que la fitna de la femme, c'est une grosse fitna. Ils savent que ça fait des problèmes. Même ils parlaient de, comme tu dis, les groupes féministes, ils parlent de l'hypersexualisation des jeunes filles, les strings à l'école et tout ça, des jeunes filles au primaire qui portent des strings, des trucs comme ça. Donc c'est pour dire, subhanallah, eux, ils le savent. Donc si eux, ils le savent, pourquoi ils nous blâment, nous, les musulmans, de dénoncer ces choses-là, hein? C'est de l'hypocrisie de leur part, de toute façon. Et puis nous, hein, on sait que eux, ils s'enfoncent, et nous, on veut pas les suivre là-dedans. Donc le cheikh, il dit, toute femme qui est une fitna, comme à cause de tu vois, du fait qu'elle est jeune ou bien qu'elle est, hein, eh ben elle doit se couvrir, etc. Ça c'est les conditions. Elle doit s'habiller bien comme il faut. Et Allah yakun fi tariq ma yakhafu bihi mafsada. Faut pas qu'il y ait sur la voie ou sur la route sur laquelle elle va partir pour aller à la mosquée, faut pas qu'il y ait des choses qui vont amener des méfaits ou du mal. Si le chemin est dangereux, si le chemin il y a des voleurs ou il y a des gens qui peuvent l'agresser ou des trucs comme ça, dans ce cas-là, elle doit pas y aller. Et le chef l'explique, il dit que l'interdiction de les empêcher, ça c'est uniquement pour dire que c'est détestable de les interdire, c'est pas interdit complètement de les empêcher d'aller à la mosquée. C'est détestable de les empêcher d'aller à la mosquée. On vous l'a dit que c'est makruh, hein, de karahat al-tanzih. Si la femme, elle a un mari ou un tuteur et que les conditions sont respectées, dans ce cas-là, c'est détestable de les empêcher. C'est pas interdit de les empêcher, c'est détestable de les empêcher. Mais si la femme, elle n'a pas de mari, elle n'a pas de tuteur, là, on n'a pas le droit de l'interdire. Si les conditions sont respectées, on n'a pas le droit de l'interdire dans ce cas-là. Parce qu'elle n'a pas d'autre moyen, elle est obligée de sortir. Si elle n'a pas de tuteur, elle n'a pas de mari, il faut qu'elle sorte pour, par exemple, travailler ou gagner sa vie. Parce qu'il n'y a personne qui s'occupe d'elle. Le Cheikh dit, وفي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما من منعت نساء بني إسرائيل قلت لعمرة أو منعنا قالت نعم لفظ البخاري. Donc ça c'est la parole de Aisha رضي الله عنها, et ça c'est la preuve contre les femmes féministes, islamistes, féministes, là, qui veulent essayer de dire que les femmes musulmanes de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était des féministes. Et bien ça, c'est la preuve que Aïcha n'était pas une féministe, radiallahu anha. Elle disait, si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait vu ce que les femmes ont fait après lui, ils auraient interdit aux femmes de sortir, tout comme les femmes des fils d'Israël ont été interdites de sortir pour aller à la mosquée. Et un des narrateurs, il pose la question, est-ce qu'elles ont été interdites? Et elle a répondu, oui, les femmes de Bani Israël, elles ont été interdites d'aller à la synagogue ou des trucs comme ça. Sauf les modernistes aujourd'hui, là, qui permettent les femmes juives d'aller à la synagogue et tout. Mais non, il n'y a pas de femmes qui vont dans les synagogues chez les juifs. Ça, c'est... Non, mais il faut que tu saches qu'il y a beaucoup de sectes, il y a différents groupes de juifs. Il y a des juifs qui sont plus orthodoxes, plus traditionnalistes. Il y en a d'autres groupes de juifs modernes, comme un peu comme les musulmans, il y a les Ikhwan. Hein, ben chez les juifs, il y a les Ikhwan, chez les juifs, il y a les Tablir, il y a les Soufis, il y a les Shia, il y a tout chez les juifs. Mais chez les juifs, il y a tout ce que les musulmans font comme bid'a. Ils s'appellent entre eux. Il y a tout ce que les musulmans font comme bid'a, tu trouves cette même bid'a chez les juifs et les chrétiens. Ou chez d'autres religions. C'est parce que les musulmans qui font des bid'a, ils ont copié souvent ces affaires-là chez les kuffars. Tu vois, déjà, souvent c'est comme ça. Sinon, ils ont inventé quelque chose d'original, qui n'est pas fait par d'autres. Mais Allah Musta'an, souvent c'est ça, ils copient. Après, le cheikh, il mentionne l'explication de cette parole de Aïcha par l'imam al-Nawawi. Il dit, قال l'imam al-Nawawi, قولها, لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد, يعني من الزينة والطيب وحسن الثياب والله أعلم. Donc le cheikh il dit que l'imam al-Nawawi a dit, quand Aïcha radiallahu anha a dit que si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aurait vu ce que les femmes ont fait après, il aurait interdit aux femmes d'aller à la mosquée. Ça veut dire comment elles montrent leur beauté, comment elles se parfument, comment elles mettent des beaux vêtements pour sortir, etc. Hein, c'est comme à la prière de l'Aïd. Tu vois les femmes qui mettent leur robe, leur belle robe de soirée ou de bal. Elles pensent que de se faire beau, c'est la sunna pour les femmes aussi, de sortir enjolivées. Alors que non, c'est pour les hommes qui doivent mettre leurs beaux vêtements et sortir. Et les femmes, elles mettent leurs beaux vêtements à l'intérieur si elles veulent, chez elles, ou bien en dessous de leur djilbab, mais pas en sortant avec ça pour montrer ça aux gens. Hein, souvent ça c'est quelque chose que les femmes comprennent pas. Et ça c'est pour dire que Aïcha radiallahu anha, elle était consciente que les femmes avaient transgressé souvent la limite et qu'elles se permettaient de faire des choses qui étaient interdites Mais elle explique en même temps que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait interdit aux femmes de faire ces choses-là. Il les aurait pas laissé faire ces choses-là s'il avait vu ces choses-là. فهل يعقل دعاة الانتخابات هذه الأدلة وهذه الشروط ويكف ألسنتهم عن دعوة النساء لأن يخرجن من بيوتهن إلى مراكز الانتخابات لتسجيل أسمائهن؟ إن دعوة النساء إلى الخروج من بيوتهن لهذه الأغراض دعوة إلى الباطل وإلى المحرم، وقد سببت هذه الدعوة وغيرها إلى أن خرجنا عددا من النساء كما ذكرت ذلك جريدة الثورة اليمنية يوم السبت 19 ربيع الأول سنة 1417 الموافق 1996 من اليوم الثالث من الشهر الثامن. العدد 11588 تحت عنوان حصيلة الشهر الأول للقيد والتسجيل، تسجيل 1,000,000 شخص 40% منهم النساء. Donc ça c'est pour dire, le chef il explique, il dit donc pourquoi ces gens-là, ces islamistes qui appellent aux élections et au vote, hein, ils comprennent pas ces preuves qu'on a mentionnées. Et pourquoi ils n'essaient pas de comprendre non plus ces conditions-là qu'on a citées, et qu'ils se taisent, qu'ils cessent d'appeler les femmes à sortir de leur maison pour aller au bureau d'enregistrement pour les élections, pour enregistrer leur nom. Et quand le cheikh il mentionne cet exemple du bureau de vote et tout, ça c'est juste un exemple qu'il donne, parce que ces gens-là ils sont en train d'appeler les femmes à sortir. Mais c'est la même chose aussi pour n'importe quelle autre sortie de la femme qui implique que la femme va faire quelque chose de haram, hein, qu'elle va montrer son corps, qu'elle va pas respecter les conditions qu'on a mentionnées. Tout ça c'est interdit, que ce soit pour aller à l'école, que ce soit pour aller au travail, que ce soit pour aller dans une activité islamique ou à la mosquée ou n'importe quoi. Si la femme est pas capable de respecter les conditions de l'islam, pour quand elle doit sortir, alors dans ce cas-là, elle doit rester à la maison. Et si elle ne respecte pas les conditions qu'on a mentionnées, elle n'a pas le droit d'aller à l'école. D'accord? Ben, toutes les conditions qu'on a mentionnées, le djilbab et tout, et de ne pas se parfumer, d'avoir la permission de son mari ou de son père, etc. Hein? Bon, maintenant, les gens qui vivent dans les pays occidentaux, c'est une... Non, parce que t'es obligé d'envoyer tes enfants à l'école, et parfois, bon, il y en a qui vont dire non, tu peux l'enseigner à la maison, ou bien tu peux essayer d'avoir un prof privé, ça prend de l'argent, c'est pas tout le monde qui sont capables de le faire, puis d'enseigner tes enfants toi-même, c'est pas toujours tout le monde qui a le temps de le faire, puis qui est capable de le faire aussi. Donc, il y a toujours des contraintes de la part des koufars pour que tu envoies tes enfants dans ces écoles-là, même si ça va amener tes enfants au coffre, ou au shirk, ou au péché, ou à l'égarement. Mais dans les pays musulmans, des fois c'est différent, bon peut-être que certains pays c'est la même chose, mais tu as plus de contrôle sur tes enfants, tu as plus d'autorité, tu as tes droits, tes droits qui te reviennent. Mais attends, juste pour clarifier un point, c'est que le problème des musulmans, de beaucoup de musulmans dans les pays musulmans maintenant, c'est que ils voient la vie seulement sur le plan matérialiste. Et les pays musulmans, les dirigeants dans les pays musulmans doivent fournir aux musulmans les moyens de s'éduquer qui vont pas impliquer ou faire en sorte qu'ils sont obligés de désobéir à Allah pour le faire. C'est-à-dire de faire en sorte que les écoles dans les pays musulmans soient non mixtes et qu'il n'y ait pas de mixité, et que les femmes soient incitées et ordonnées à se voiler comme il faut, et que ça doit être une loi dans le pays. Déjà c'est une loi dans l'islam, donc les dirigeants doivent implémenter cette loi islamique là pour les femmes de leur pays, pour les protéger, pour protéger leur honneur, pour protéger leur dignité, pour les éloigner du mal, hein, pour pas que la société soit remplie de perversité, de corruption, d'adultère, de fornication, des enfants bâtards, des gens qui naissent en dehors du mariage, des familles brisées, des divorces, de la délinquance, des maladies transmises sexuellement, toutes sortes de problèmes qui sont le fruit de toute cette perversité qui est répandue dans la société actuellement. Et après, les gens, après, ils se posent des questions, mais pourquoi on a tellement de problèmes, pourquoi ça va mal, alors que vous êtes en train de faire tout ce que Allah a interdit de faire. Mais c'est normal que ça va mal, arrêtez de faire les péchés, vous allez voir que ça va aller bien. Hein? Vous voulez une économie forte, vous voulez une politique stable, vous voulez tout que ça marche bien dans votre pays, obéissez à Allah, faites ce que Allah vous ordonne. Hein? Ouais, ben bon, s'ils pensent que la prostitution apporte, eh ben, qu'ils essaient de voir qu'est-ce que ça leur fait perdre aussi. Parce que souvent, c'est ça. Les gens, ils voient le profit, qui est vite fait. Mais ils voient pas à long terme les conséquences négatives, ben, les frais et les peines que ça te fait payer par la suite sont beaucoup plus grandes que le profit. Qui arrive rapidement. Et comme l'autre fois, il y a un frère, justement, un frère, en fait, c'est Mouhtar, qui m'a parlé de ça, c'est comme pour dire, on parlait des hôpitaux, puis du fait que, par exemple, des fois, tu demandes un médecin femme, puis on refuse, hein, on refuse de te fournir un médecin femme. Et puis, ça me faisait penser à l'affaire des commandites, pas des commandites, à faire des accommodements là, hein. Et puis ça m'a fait réfléchir là-dessus, je me dis, subhanallah, toute cette histoire d'accommodement là, puis en France aussi, quand ils parlent des musulmans, puis qu'ils veulent que les musulmans s'intègrent et tout ça c'est juste une question d'argent, uniquement une question d'argent. Pourquoi? Parce que c'est comme si par exemple, c'était pas gratuit l'hôpital, et que chacun devait payer, tu aurais le droit d'exiger le service que tu veux et que tu demandes. Tu veux une femme, on te donne une femme parce que c'est toi qui payes, c'est toi qui choisis. Hein? Mais étant donné qu'on te donne le service gratuitement et que c'est avec l'argent de l'État et des taxes, des contribuables que tu reçois ce service, eux ils se disent, écoutez, vous n'allez pas nous exiger de qu'on respecte les règles de votre religion avec notre argent. Hein? En voulant dire que avec l'argent des contribuables, avec l'argent des taxes, on accepte que cet argent-là soit utilisé pour n'importe quoi, pour vendre de l'alcool, hein, la société des alcools au Québec, c'est le gouvernement qui vend l'alcool au Québec. On accepte que ce soit utilisé, notre argent, pour la loterie, parce que l'Auto-Québec, ça appartient au gouvernement. Les casinos de Montréal, ça appartient au gouvernement. Ça, c'est correct, vous pouvez utiliser notre argent là-dedans, parce que ça rapporte et ça fait du profit. Même si c'est mauvais, même si ça crée du désordre, même si ça détruit, même si c'est haram, c'est pas grave. Mais quand c'est des choses qui ont rapport avec votre religion, on veut pas que cet argent-là soit utilisé pour ça et que vous commenciez à nous dire qu'est-ce que vous voulez mettre vos règles dans la société. Non, on a nos valeurs, on a ci, on a ça. Tout ça, là, l'histoire, qu'est-ce qu'ils disent, par exemple, de valeurs et tout ça c'est de la foutaise, c'est pas vrai. C'est juste une question d'argent. Parce que la vérité, moi je pensais à ça par la suite, je me suis dit, on va faire un arrangement avec le gouvernement des koufars. On va leur dire, d'accord, vous voulez pas nous donner nos services en tant que musulmans, vous voulez pas qu'on ait des femmes médecins, vous voulez pas qu'on ait la bouffe halal, vous voulez pas qu'on ait des trucs de ce genre, d'accord. C'est-à-dire, On va s'arranger entre vous et nous que on est épargné, c'est-à-dire on paye pas de taxes. On paye aucune taxe, nous les musulmans. Ni vous prenez rien sur nos salaires. On paye pas de taxes sur les marchandises qu'on achète, hein, et on paye pas d'impôts, rien. Mais nous en retour, on va tout payer de notre propre poche. On ne reçoit pas de chômage. On ne reçoit pas d'allocation familiale, on reçoit pas on n'a pas la carte d'assurance maladie, et on va pas avoir le chômage ou rien des pensions alimentaires ou des pensions de vieillesse ou rien. Sauf que vous prenez pas un sou de notre poche. On va s'arranger entre nous, les musulmans, pour faire nos propres services et nos propres choses, mais vous, en retour, vous ne nous donnez pas un sou. Et vous ne nous demandez rien. Mais on va avoir les services qu'on veut avec notre argent. Mais prenez pas des taxes. Prenez pas de l'argent de nous. Si on leur dirait de cette façon-là, tu verrais que là, ce serait tout à fait différent. Ils ne pourraient plus nous dire, ah, vous les musulmans, vous voulez ça, on est tous égaux dans la société, on paye tous des taxes. Ok, on va plus payer de taxes, mais vous ne donnez pas de service, rien, on va rien prendre de vous. On va tout payer avec notre argent, notre poids. Donc c'est ça la réalité ici dans ce pays. Quand tu payes avec ton argent, personne ne dit rien. Mais quand tu veux un service, de toute façon, les taxes qu'on paye, c'est notre argent ça aussi. Et nous, on est musulmans si on demande un service, par exemple. On serait supposé de pouvoir le recevoir, normal, mais sous prétexte que c'est leur valeur, que c'est pas d'accord, ils sont pas d'accord, eux, ils n'ont pas de honte, ils n'ont pas de sens de l'honneur pour leurs femmes, ils sont pas jaloux, ils laissent n'importe quel homme jouer avec leurs femmes, puis les toucher, puis faire qu'est-ce qu'ils veulent avec. C'est comme le médecin, là, l'autre jour, qui s'est fait arrêter. Il était amené en cours parce que c'est un gynécologue. La femme est allée pour se faire examiner. Il lui a touché avec sa langue. Alhamdoulilah, pendant qu'il est en train de, la femme, elle commence à sentir une chose. Elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il a fait ça avec beaucoup de femmes. Et donc, c'est pour dire, est-ce que vous allez laisser, même si vous dites non, c'est des professionnels, ils savent ce qu'ils font, quand ils regardent une femme, ils pensent pas à des choses de ce genre. Ah oui, quoi, c'est un morceau de bois, c'est un arbre, c'est pas un être humain. Donc c'est pour ça. Tout ça. Non. Dans l'islam, c'est pas, y a pas un âge spécifique jusqu'à quel âge il est responsable, le père, d'après ce que j'ai compris. De qu'est-ce que j'ai entendu à ce sujet-là. C'est jusqu'à ce que le garçon ou la fille soit capable de, soit que la fille soit mariée, donc dans ce cas-là, c'est plus la responsabilité du père, mais c'est la responsabilité de son mari. Mais sinon, le garçon, c'est jusqu'à ce qu'il soit capable de s'occuper de lui-même. Du moment qu'il est capable de s'occuper de lui-même, qu'il a son travail, qu'il a son argent, là, son père est plus obligé maintenant de s'en occuper de lui. Wallahu a'lam. Et le cheikh il disait, il dit ensuite, فكيف بنساء إلا من رحم الله. Donc si ça c'était le cas de l'époque de Aïcha, radiallahu anha, elle disait ça à propos des femmes de l'époque de Aïcha, où les femmes à cette époque-là étaient bien proches de la piété, proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, proches des sahaba et tout, meilleure société à l'époque. Et malgré tout, Aïcha elle dit ça des femmes. Que le prophète sur l'ensemble nous aurait empêché. Alors que dès de notre société aujourd'hui, où les femmes transgressent toutes les limites de l'islam, et donc elle aurait des pires à ce sujet-là. Et donc ça c'est pour montrer que qu'est-ce que font les gens qui appellent aux élections puis qui demandent aux femmes de sortir. Eh bien, c'est quelque chose qui amène à toutes sortes de péchés et d'égarements et des choses fausses, sans compter il y a les femmes qui vont sortir par exemple, comme il y avait le fait en Algérie par exemple pendant la période où il y avait toutes les pendant les élections et tout ça en Algérie, le parti du fils était un parti islamiste. Et c'est parmi les groupes de Hizbi, parmi les gens de Hizbi, les gens de Bid'a. Et donc ce parti-là, il y avait les laïcs qui avaient fait une grosse démonstration, une grosse marche, manifestation pour dire on est contre l'État islamique, on veut pas la charia, on veut pas ci, on veut pas ça. Le lendemain, le fils, le parti du fils, ils ont dit bah nous aussi on va montrer qu'on est capable. Ils ont fait une manifestation eux aussi, ils ont fait sortir toutes les femmes voilées, les femmes musulmanes et tout pour aller dehors pour crier on veut la charia, on veut la démonter. Donc déjà ils ont fait un haram, ils ont fait la manifestation et en plus ils ont fait sortir les femmes, tout ça c'est des choses haram. Donc c'est pour dire ils aiment ça faire sortir les femmes ces gens-là. ils ont même marqué dans le journal au Yémen, dans le journal Al-Sawra, le 19 de Rabi al-Awwal 1417, qui correspond au 1996, le troisième jour du mois d'août. Ça c'est le numéro du journal, c'était le 11588, sous le titre Hasilat al-Shahr al-Awwal lil-Qayd, c'est-à-dire ils ont dit dans ce journal-là les résultats du premier mois pour les enregistrements, pour les votes. Eh bien, ils ont enregistré 1 million de personnes pour le vote, 40% étaient des femmes. 40% d'un million, c'est beaucoup. Hein? Le Cheikh dit, فَبِاللَّهِ عَلَيْكُمْ يَا دُعَةَ الْانْتِخَابَاتِ مَاذَا تَتَصَوَّرُونَ مِنْ هَذَا الْعَدَدَ الْهَائِلِ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ الْقَصِيرَةِ التي لم تتجاوز الشهر الواحد هل تتصورون بأن كلهن تعلمن شروط الخروج من البيوت وطبقنا ذلك عندما خرجنا إلى مراكز التسجيل أترك الجواب للمنصف منكم الشيخ الذي par Allah je vous demande d'être honnête ô vous qui appelez aux élections, est-ce que vous imaginez que toute cette quantité là qui sont sorties parmi les femmes dans cette période très courte, d'un mois, hein? Est-ce que vous imaginez que toutes ces femmes qui sont sorties, elles connaissent les conditions pour sortir de leur maison et qu'elles ont respecté ces conditions-là quand elles sont sorties pour aller s'enregistrer dans les centres d'élection? Je vous laisse. Vous qui, si vous êtes honnête, je vous laisse donner la réponse vous-même. Le cheikh dit, فَظَهَرَ مِنْ ذَلِكَ فَدَاحَةُ وَفَسَادُ الْمُشَارَكَةِ فِي الْانْتِخَابَاتِ الْبِدْعِيَةِ ومن هنا أتقدم بالنصيحة إلى أولياء النساء بأن يتقوا ربهم في رعاياهم وأن يحافظوا عليهن من مكر الماكرين وحقد الحاقدين فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته الحديث الشيخ الزيدوف on voit la corruption et le désordre du fait de participer à ces élections innovées. Et je donne le bon conseil aux tuteurs des femmes et aux responsables des femmes de craindre Allah, leur Seigneur, leur Créateur, et dans leur façon de gérer leur famille. Parce qu'ils ont une responsabilité et ils doivent préserver leurs femmes des ruses, de ceux qui rusent, et des mauvaises intentions de ceux qui ont des mauvaises intentions. Parce que c'est ça le problème, c'est que c'est la responsabilité des hommes. Et les hommes, ils ont abandonné, beaucoup d'hommes ont abandonné leurs responsabilités. Il y a une époque où, pour les hommes, l'honneur avait la plus grande valeur. Hein? Son honneur, c'est l'honneur d'un homme, c'était qu'est-ce qu'il avait de plus de valeur. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça vaut l'honneur d'un homme? Rien. Un homme, il perd son honneur, c'est comme s'il n'a rien perdu du tout, parce qu'il n'a pas d'honneur. Hein? Alors que aujourd'hui, c'est comme ça. Et donc, pourquoi? Parce que les hommes, ils se disent, ah, elles font ce qu'elles veulent, c'est des femmes, elles sont. Hein? Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous êtes tous des bergers, et vous êtes responsables de votre troupeau. Hein? Et donc, quand on dit responsable dans l'islam, ça veut dire quoi? Mas'oul, en arabe, mas'oul. Ça veut dire que tu vas être questionné par Allah au jugement dernier sur cette responsabilité-là et sur cette charge que tu as. Et donc, ton honneur de la faire, de la préserver. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui enrage les féministes quand on dit que l'honneur de la femme, l'honneur de la famille tient sur la tête de la femme. On veut pas être les garantes de l'honneur des hommes et de la fierté des hommes. Hein. Subhanallah, pourquoi vous voulez pas? Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Et déjà, c'est Allah qui nous a mis responsables sur vous, c'est pas nous qu'on a décidé ça. Hein? Si Allah nous avait pas dit ça, on serait pas responsable des femmes. Allah, c'est lui qui nous a mis responsable des femmes. Est-ce qu'on peut dire à Allah, non, on veut pas être responsable des femmes, on va pas le faire? Non, Allah, il nous l'a dit, on doit le faire, on n'a pas le choix. Hein? Même si vous pensez que vous êtes égal à l'homme, même si les femmes pensent qu'elles sont égales à l'homme, elles n'ont pas besoin d'hommes, elles sont égales, elles peuvent s'occuper d'elles-mêmes, non. Même si vous dites ça ou vous pensez ça, Allah il a dit, c'est vous les hommes, vous êtes responsables de ces femmes-là, même si elles perdent la tête, puis elles commencent à penser qu'elles sont égales à vous. Hein? Comme ça. Hein? Donc, alhamdoulillah. Après, le cheikh dit, « وَكَذَلِكَ أَتَقَدَّمُ بِالنَّصِيحَةِ إِلَى النِّسَاءِ بِأَنْ يَتَّقِنَ اللَّهَ رَبَّهُنَّ وَيُقِرْنَ فِي بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْدَعْنَ بِالدَّعَوَاتِ الْبَرَّاقَةِ الَّتِي تُرِيدُ أَنْ تُهِينَ كَرَامَةَ الْمَرْأَةِ وتعيدها إلى ما كانت عليه من الجاهلية قبل الإسلام. Le Cheikh dit, et aussi je donne la nasiha aux femmes pour qu'elles craignent leur Seigneur et qu'elles restent à leur demeure et qu'elles ne se laissent pas tromper par les slogans et les belles paroles de ceux qui essaient d'atteindre leur honneur et leur dignité et de les ramener à ce que les femmes faisaient dans la jahiliya avant l'Islam. Donc il faut que les femmes atteignent ce niveau de conscience-là. Là, il y a des filles musulmanes, elles sont élevées ici, leurs parents les laissent à l'école, ils les abandonnent complètement, aucune éducation morale, aucune éducation islamique. Les seules règles, c'est comme, fais tes études, sors pas avec des garçons, si et ça, mais dehors, elle fait qu'est-ce qu'elle veut, elle s'habille comme elle veut, elle parle comme elle veut, hein. Et donc, morale islamique, mais même la morale de la fitra, souvent même ils l'ont pas, parce que même la fitra, quelqu'un qui est sur la fitra, il sait que certaines choses ça se fait pas, mais on dirait que pour eux, non, ça y est. Ah, des exemples, c'est comme par exemple, il y a des... Ouais, c'est ça. Ok, d'accord, je te donne un exemple, ok. Il est drôle. Bon, c'est comme par exemple, je vais donner un exemple en parlant de moi-même, je pense que ça va être plus clair, mais sinon je peux donner des exemples de beaucoup de personnes que je connais qui sont pas musulmans, mais qui savent qu'il y a certaines règles, il y a certains respects, il y a certaines choses qu'il faut respecter, dans l'honneur, dans la dignité, dans le respect. Tu vois, certains habillements par exemple, une femme peut pas porter. Ça, c'est des choses, certains, même des koufars, ils ont ça en eux. Ils vont pas accepter que sa femme, ils vont pas accepter que sa femme s'habille d'une façon qui va, que quand elle va aller dehors, les hommes vont la regarder. Parce que sa beauté, les charmes de sa femme, c'est pour lui. Il veut pas que ce soit pour tout le monde. Et donc, il va faire en sorte que sa femme, quand elle sort, elle va peut-être pas se voiler, mais elle va pas s'habiller d'une façon qui va mettre son corps en évidence trop. Donc ça c'est une question fitra, parce que ça fait partie de la nature que Allah a mis dans le cœur de l'homme, c'est son instinct, hein, c'est ça que Allah a mis, on appelle ça la fitra. Tandis qu'il y en a, en plus de la fitra, ils ont en plus la foi, la religion et les règles, la connaissance et tout, donc eux c'est encore plus fort chez eux ces choses-là, tu vois. Mais il y en a parmi les musulmans, malheureusement, ils connaissent l'islam et ils ont perdu un peu la fitra, malheureusement, on sent qu'ils se laissent aller. Il laisse tout passer, hein. Et puis c'est dommage parce que par la suite ils se font avoir. Et pour terminer, le cheikh dit, wa qala cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah, fad'awatu ila nuzul al-mar'ati fi al-mayadin allati takhussu al-rijal amrun khatirun ala al-mujtama' al-islami wa min a'zami atharihi al-ikhtilat alladhi yu'tabaru min a'zami wasa'il zina الذي يفتك بالمجتمع ويهدم قيمه وأخلاقه. Le cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah, il a dit dans un livre qu'il a écrit, c'est un livre qui s'appelle l'interdiction pour la femme de participer dans les domaines qui sont spécifiques à l'homme. Et donc dans ce livre-là, il dit que la femme le fait que la femme participe avec les hommes dans les domaines qui sont spécifiques à l'homme, ça c'est quelque chose qui est très dangereux pour la société islamique. Et parmi les effets les plus grands, les plus graves de ce mélange-là, il y a justement l'ikhtilat, l'effet de la mixité. Et ça c'est une des choses qui, un des moyens les plus efficaces pour que le zina, la fornication se répande dans la société et que la société soit détruite dans ses morales et dans ses principes de respect et de d'honneur et de dignité. قلت فكيف بالخروج الى المراكز الانتخابيه le cheikh il termine en disant et qu'est-ce qu'on dirait dans ce cas-là de ceux qui descendent pour aller dans les centres des élections donc c'est la même chose donc on a parlé de ça aujourd'hui hein ça a été un cours bien rempli je pense de leçons et de réflexions inchallah espérons que on puisse être guidé et que les musulmans dans le monde entier Inch'Allah, puisse être guidé à prendre en considération ces règles et ces conditions-là et de les mettre en application et de les respecter. Amin. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.